Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série de fin du game, un épisode spécial annonce. Je suis Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Bonjour aussi. Alors on se retrouve parce que on avait des choses à vous dire, on en a gros. On a des choses à vous dire, on se réunit pour vous faire un petit épisode parce qu'il y a pas mal de petites choses qui vont changer, qui vont se passer. Des petites grosses choses, on ne sait pas. Des petites grosses choses qui vont se passer en 2023. On s'est dit que finalement pour concentrer toutes les informations au même endroit, on va le faire en audio, en podcast, sur les canaux habituels. Donc voilà, un épisode d'annonce pour cette année avec d'abord, on va parler de la fin du Twitch pour fin du game. On va parler du prochain palier et peut-être d'invités, de choses comme ceci. On va vous présenter la nouvelle blacklist qui sera pour la saison 6. Et puis, on vous parlera de la petite surprise qu'on se réserve pour la centième. Voilà, c'est le One Morphing. C'est ça. Préparez-vous. Bah, ce sera un One Morphing. Il est déjà annoncé. Titre. Donc, de toute façon, il y a toujours un One Morphing. Enfin, exactement. Donc, merci de nous rejoindre pour ce petit épisode. On va essayer de faire ça rapidement, pas vous faire perdre trop de temps. Commençons tout de suite avec la fin de Twitch. Tout simplement, on peut rappeler un petit peu comment ça s'était passé. C'est qu'à la base, il y avait un palier qui était sur le Patreon, tout simplement, qui s'appelait les sessions FDG. L'idée, c'était de dire, quand on atteint ce palier, on va partager nos sessions de jeu via Twitch. Alors, ce palier, on ne l'avait pas atteint, mais on s'était dit, en septembre, on va quand même essayer de voir un petit peu, justement, pour tenter, voir si ça pouvait marcher dans le rythme, voir si ça pouvait nous plaire. Et il se trouve que pas tant que ça, déjà sur la régularité, on n'a pas vraiment réussi à rentrer dedans parce que les plannings, etc., c'est pas si facile en fait de caler des heures de Twitch pour tout le monde. Et puis l'envie au final était pas plus que là. C'est vrai que moi personnellement, toi, tu vois, sur mon timing, c'était arrivé genre j'arrête Twitch, j'arrête le stream, et vous êtes arrivé, et si on faisait du Twitch? Donc voilà, il y avait pas c'est vrai que j'ai moins envie de faire des lives maintenant. C'est pas un format dans lequel je me sens forcément très à l'aise. Je sais que Max, lui, c'est peut-être un peu plus éclaté, t'avais envie de tester, mais etc. sans plus vouloir faire un truc, tu vois, tout seul ou quoi, ça avait du sens, je trouvais, si on était tous les trois, et bon, c'est pas trop le cas. J'exclus pas, peut-être qu'un jour je streamerai Mass Effect 3, va savoir qui c'est. Oui, la chaîne, elle va pas se fermer, ça existe toujours, mais c'est juste qu'elle va être un peu frigo. Mais il n'y a pas de régularité. Moi, de pour ma part, c'est vrai que c'est pas non plus un exercice dans lequel je me plais vraiment, en fait, donc ça m'amuse pas tant que ça. J'ai toujours ce rapport privilégié avec les jeux, j'aime bien être tranquille avec mon petit jeu, tu vois, d'ailleurs, les jeux, je les commençais et je les finissais tout seul parce qu'en fait, j'aime bien avoir ce rapport là un peu avec mes jeux, quoi, de prendre le temps et dans l'analyse. Je trouve qu'en fait, que quand tu joues un jeu et que tu dois être un peu dans le divertissement à côté, il y a une partie de ton attention qui n'est pas sur le jeu et sur la lecture de ce qui se passe concrètement. C'est un tout autre exercice. Exactement, tu vois, moi je l'ai fait pendant pas mal d'années et au final je me suis rendu compte que je me trouvais pas très bon dans cet exercice là et que je passais à côté de certaines choses. Et là, accessoirement, sur le côté régularité, moi quand c'est le lundi matin, si tu me demandes si le jeudi à 14h je serai dispo, j'en ai aucune foutre idée. Il peut se passer tellement de choses, donc c'était assez contraignant au final. Donc on a décidé d'un commun accord de ne pas laisser tranquille les sessions EDG. Quid de Panthéon? Panthéon, ça s'inscrivait toujours dans cette volonté de streamer plusieurs fois, de faire un petit peu du contenu toutes les semaines ou tous les mois. Donc pour l'instant, Panthéon, il est mis au frigo. Il reviendra peut-être sous cette forme, sous une autre. C'est un peu en questionnement de voir un peu de chercher potentiellement des financements ou quoi, de voir comment faire tenir un peu le truc sur ses deux pieds, plutôt que juste se dire, parce que c'est toujours un peu démotivant de se dire bon, c'est du contenu comme ça et puis du travail et bon, ça, il y a rien derrière. Là, comme il y a pas justement la régularité des streams ou quoi, c'est un petit peu à revoir. C'est vrai que nous, on a cette façon aussi d'aborder les projets où quand on se lance dans quelque chose, on veut pas forcément le faire à moitié. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé en fait sur Twitch, c'est que finalement c'était un peu en dilettante, c'était pas forcément sérieux, et on préfère toujours ne pas faire les choses plutôt que les faire à moitié. Et Panthéon, c'est ça, c'est pour l'instant on le remet un peu au laboratoire, et puis ça reviendra si ça doit revenir. Voilà, donc pour les sessions FDG, ça, le palier, c'est fini, on ne reviendra pas dessus. Par contre, il y aura donc un nouveau palier. On a eu quelques réflexions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer concrètement en fin du game? Et c'est quelque chose qu'on nous a plusieurs fois suggéré et tout, mais je voudrais pas donner au public la naissance de cette idée, parce que c'est pas vrai en fait. Même quand on a commencé à réfléchir à fin du game, est-ce qu'on ferait venir des invités? Et c'est quelque chose qu'on se dit, peut-être maintenant qu'on est en train de terminer la saison 5, on a notre notre rythme. Le collectif est bien construit, ça joue bien, la balle circule extrêmement bien. Le collectif est quasiment parfait, mais peut-être est-il temps d'ouvrir un peu les portes et peut-être pour la saison 6 de faire entendre d'autres voix au micro de Fin du Game. Et ce sera ça l'objectif de ce prochain palier, parce que si on invite des gens, c'est pas juste pour les inviter, c'est aussi pour les rémunérer correctement, aussi pour les défrayer, parce que nous on enregistre oui, on in situ. C'est ça, on est à Strasbourg. On est à Strasbourg, on n'est pas à Paris, le capital des médias jeux vidéo. Et puis même, de toute façon, on aurait invité des gens qui ne sont pas à Paris. Exactement, donc l'idée c'est de pouvoir vraiment prendre en charge le déplacement, le logement s'il faut aussi de ces gens, et les rémunérer pour le travail, voilà. Parce que c'est aussi faire venir ces gens pour les inscrire dans le travail de Fin du Game, la préparation, jouer au jeu, faire les recherches, etc. Et être avec nous dans l'émission. C'est pas encore tout à fait comment ça va se mettre en place, mais voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment, ça c'est sûr que si on arrive à ce palier-là, la saison 6, il y aura au moins quelques épisodes avec des invités, voilà. C'est super intéressant de passer là-dessus, parce que je sais que les premières années, on n'était pas forcément à l'aise avec l'idée, on n'avait peut-être pas encore suffisamment, fait maturer la création de l'épisode, tout le process de réflexion, de comment on fait. Là, on en est à la cinquième saison, et bon, on est un peu plus sur des rails, on arrive quand même à sortir des épisodes un peu plus facilement, donc parvenir à inscrire quelqu'un là-dedans, surtout qu'en plus, on est plutôt bien identifié, donc il y a des chances qu'on invite des gens qui nous aient déjà écoutés et qui voient à peu près le ton de l'émission, ça va être, je pense, très intéressant. Donc voilà, cette idée de palier, on va le remettre effectivement plus haut que ce qu'étaient les sessions FDG. On a peu de choses près. Il faut comprendre que, comme tu l'as dit, il va y avoir une vraie rémunération. L'idée, c'est qu'on ne veut pas profiter du travail des gens, on ne veut pas tomber dans cette logique. C'est les traiter comme nous, on se traite, en fait, tout simplement, avec l'émission. Et comme on aimerait être traité quand on participe à d'autres émissions, parce que le coup de la passion, on a tous connu ça à un moment donné dans nos carrières respectives, et ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va aider les gens à avancer. Et encore une fois, parce que Fin du Game demande aussi de la préparation, etc. C'est pas juste vous venez, vous faites coucou, vous mettez les pieds sous la table et on papote de jeux vidéo. Oui, et on vient de nous raconter des souvenirs ou quoi que ce soit. L'idée, c'est, comme tu l'as dit, de vraiment inscrire ces personnes-là dans la préparation. Donc nous, les préparations, c'est en minimum 4 heures de préparation par épisode. En réunion. Chacun de son côté. Voilà. Les temps de jeu, etc. Donc c'est quand même du gros boulot et on est très excités. On n'a pas trouvé. Est-ce qu'on avait trouvé un nom rigolo pour le palier FDG Family ou un truc comme ça, on est très contents de lancer ce truc là on espère que ça va vous parler et on vous attend évidemment nombreux et nombreuses le Patreon. Ça va être cool d'entendre un peu d'autres voix dans cette émission. On a assez aussi confiance en nous, et encore une fois c'est aussi grâce à vous les gens qui nous soutiennent déjà, parce que c'est aussi ça aussi, c'est pouvoir se dire la pérennité de l'émission nous permet d'envisager ça, alors qu'avant il fallait qu'on prenne d'abord un peu soin de nous avant de qu'on peut essayer de mettre d'autres gens dedans. Fallait être la daronne à l'abri et après on pourra mettre celle des autres. Notre frigo avant celui des autres. Chacun son frigo, voilà. Ouais, exactement. Non mais voilà, on est très contents. Et puis ce sera l'occasion aussi, potentiellement, j'en dis pas trop, peut-être d'explorer des gens avec lesquels on est peut-être un peu moins à l'aise. Ce sera rassurant d'avoir une personne qui est un petit peu plus étiquetée ce genre de jeu ou qui est référente à côté de nous, quoi. Exactement, étendre encore l'exploration du paysage vidéoludique. Donc voilà, ça c'est le prochain palier, on espère que ça vous parlera. Il est question aussi de palier ça, le palier Blacklist, il est passé depuis un moment, donc chaque année maintenant, chaque saison, il y a une nouvelle Blacklist. Je rappelle très simplement le concept, en fait nous de notre côté on prépare quelques listes qui sont composées en général de 3 jeux, on vous les met sur le Discord et l'idée c'est que vous sur Discord vous pouvez venir voter et en fait les quelques jeux qui remportent chacune des listes seront diffusés à dans la saison 6. Et donc, on a déjà fait Okami notamment et Le Seigneur des Anneaux par exemple. Il reste Fallout 2 et Bioshock Infinite à faire, ça c'est sur la saison 5. Mais et quand on aura fini en fait le dernier jeu de la Blacklist, en général on a pour tradition on clôture les votes à ce moment-là et du coup vous saurez quels seront les jeux qui seront ajoutés à la saison 6. Et donc en général ça va être au début de l'été, c'est dans ces eaux-là. On réserve le dernier jeu de la Blacklist pour la fin, pour le début de l'été. Et donc cette nouvelle Blacklist, il y a encore une fois 4 listes. Oui. Alors la première liste, on l'annonce, je répète que tout sera dispo au moment où vous écoutez cet épisode, ce sera dispo sur le Discord, vous nous rejoignez sur le Discord si vous y êtes déjà, vous pouvez venir voter avec des petits smileys, c'est tout simple, c'est très bien fait parce que tout ce qu'on fait c'est très bien. Mais donc la première liste c'est la liste pétoche. Vous pourrez choisir entre Soma, Silent Hill 2 et Fear. Donc voilà, trois gros jeux. Voilà, voilà, différentes échelles. On verra qui sortira vainqueur de ce batch-là. Mais voilà, une liste pétoche parce que bah, vous savez que chef des jeux, on n'est pas non plus des immenses fanas de jeux d'horreur. Surtout moi. C'est... mais tu sais que je me rends compte avec le temps que j'ai beaucoup plus peur d'avoir peur que la peur elle-même. Tu vois, parce que tu souvent... as peur de la peur, Harry. Oui, j'ai... tu es un sorcier. J'ai peur de la peur parce qu'en fait, quand je joue concrètement, bah, je fais oui, bon, bah, c'est rare que je fais. Tu vois, Dead Space, j'étais là, j'étais oui, bon, bah, let's go, tu vois, on fait le truc, mais c'est plus l'expectation, tu vois, l'attente de dire, t'as un truc qui va avoir peur, alors qu'en fait, bah non, ça fait pas bien peur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, la liste pétoche entre Soma, Silent Hill 2 et Fear, ce sera à vous de choisir le vainqueur. La deuxième liste, c'est la liste, bah tiens, je peux peut-être la laisser, vas-y, Benoît, comme ça parle de ton époque. Ah bah, ça y est, ce jeunisme, ça ne s'arrêtera jamais, tu sais, vivement la saison 24, que vous aussi, vous soyez vieux. Ouais, mais t'auras toujours des années plus que nous, ça. On sait. Et donc, bref, pour cette liste-là, ça fait longtemps qu'on voulait en parler, on va faire une liste LucasArts. On va revenir, en fait, sur l'un des trois jeux suivants, donc soit Monkey Island, le tout premier, soit Grim Fandango, soit Indiana Jones, Fate of Atlantis. Donc voilà, trois point and click de la grande époque des jeux LucasArts. À vous de choisir, évidemment, lequel vous voudrez avoir, sachant que, bon, bah, comme d'habitude, on parlera un peu de LucasArts au global. Bien sûr, vous connaissez la formule de fin du game. Et en tant que petit jeune, moi j'en ai fait deux. Donc c'est mes cartes Joker, ça fait partie de mes cartes Joker. Et en tant que vrai jeune, j'en ai fait aucun. J'ai fait la moitié de Grim Fandango, et puis à un moment, je me suis rendu compte que je lisais la Solus, en fait. Donc j'ai fait, bon, bah, je joue plus à Grim c'est Fandango. C'est comme ça la full expérience. C'est comme ça qu'on joue c'est pour la demain. Full expérience. Très bien. Et ben voilà. Donc vous pouvez voter pour la liste LucasArts. Maxime, est-ce que tu veux me parler de la prochaine liste? Est-ce qu'on peut peut-être expliquer un peu le concept aussi qu'on entendait? Le concept, c'était de parler de jeux qui sont connus, mais pour ne pas vraiment être des gros jeux, un peu plus de la série B, on va dire, du jeu vidéo dont vous avez peut-être entendu parler, des titres qui vous disent quelque chose, vous avez peut-être vu en couve d'un magazine, c'est vous n'y avez jamais vraiment joué, vous connaissez peut-être une personne qui a joué. Donc on l'a intitulé la liste triple B. Voilà. Il y a donc Stranglehold, qui est un jeu... Est-ce que je dois préciser un peu C'est John Woo's Stranglehold. Alors j'ai regardé, le titre c'est Stranglehold, mais sur la jaquette il y a John Woo Presents Stranglehold. Donc c'est un jeu de John Woo, réalisateur hongkongais d'action. C'est d'ailleurs avec son acteur fétiche, dont je ne connais pas le nom, mais c'est le perso de Tequila que tu retrouves à toute épreuve. Donc un shooter de 2007, je crois. Ouais, c'est dans ces zones-là. Il y a un côté un peu Max Payne. Voilà, le délire, c'est de pouvoir sauter sur des comptoirs, glisser dessus et tirer sur des méchants. Donc il y a Stranglehold. Le deuxième jeu, c'est The Darkness. Ça, c'était un FPS avec des pouvoirs où tu avais deux bestioles qui te suivaient et qui tiraient. Hein, c'est ça, t'étais une espèce de démon. Et donc à la place des armes, en fait, t'avais deux espèces de petits démons qui se baladaient sur tes épaules. T'avais différents pouvoirs. C'est toujours pareil. On est sur Xbox 360. Du triple B. Triple B de cette bonne époque. Et le dernier, c'est Dante's Inferno, le beat them all de EA qui venait un peu marcher sur les plates-bandes de God of War à l'époque. Donc voilà, c'était encore un autre jeu aussi de cette époque. Souvenez-vous, on est toujours à la même époque. Hein, c'est vraiment Xbox 360, c'est une période où ils ont essayé de lancer, en fait, avec l'arrivée de la HD, tout un tas de nouvelles licences. Ça n'a pas pris pour aucune d'entre elles. Même s'il y a eu un The Darkness 2, il faut le savoir. Il y a eu Condemned aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petits jeux dans ce cas-là. Et donc là, vous aurez en fait un petit peu quand même trois goûts différents, Stranglehold, The Darkness, Dante's Inferno, vous de choisir. Exactement. Et puis la dernière liste. A tout craqué. Et voilà, on a vraiment craqué notre slip. Donc la liste, elle s'intitule Attendez. Asseyez-vous. Voilà. Si vous êtes debout en train de marcher, bon. Elle s'appelle sobrement la liste soit Mario Kart 8, soit Smash Bros Ultimate. Et il faudra donc voter entre Mario Kart 8 et Smash Bros Ultimate. On a dit on va parler d'un des deux gros jeux multijoueurs de Nintendo. Mais voilà, c'est vous qui choisirez soit sur la licence de karting historique de Nintendo, soit Smash Bros, qui est aussi une licence qui n'a pas balancé. Je pense que ce vote-là va être. J'espère qu'il va être bien relevé. Ça va être tendu. C'est quand même deux gros clients, quoi. Donc voilà, ça c'est les quatre listes qui sont disponibles, la liste pétoche, la liste LucasArts, la liste triple B et la liste soit Mario Kart 8, soit Super Smash Bros. On était très fiers de ce nom. On était contents d'y arriver, effectivement. Donc c'est disponible d'ores et déjà sur le Discord, vous pouvez aller voter avec des petits smileys et comme dit, encore une fois, le vote sera clos au moment de la sortie du dernier épisode de la Blacklist en cours, c'est-à-dire sur début de l'été, ça en sera juin. Fallout 2, soit BioShock Infinite. C'est ça. Je ne dirai pas lequel. Et oui, non, c'est... C'est vrai qu'on sait Très bien. Ça, c'était pour les annonces concrètes. Maintenant, bah, il est temps de vous révéler voilà, quelle va être la petite surprise, puisque ça y est, on est en route pour le 100e épisode. Il arrive là, il se profile. On est 93, 94 en ce moment, je ne sais ça, plus. Au 92, on est dans ces eaux-là. Et donc, l'épisode 100, il devrait tomber en mai. Et l'épisode 100, on va rien faire spécial. On va faire un épisode comme d'habitude. Ouais, voilà, même le choix du jeu n'a pas été... Exactement, il n'y aura pas rien de spécifique sur cet épisode 100. Par contre, autour de la sortie de cet épisode 100, eh ben on s'est dit qu'on avait envie d'aller à votre rencontre, tout simplement, et on avait envie de fêter les 100 épisodes avec vous. Et donc, on va organiser une soirée sur Paris, dans un bar avec qui on est... Enfin, on est déjà un peu en discussion pour essayer de trouver un endroit pour accueillir tout le monde. Et voilà, l'idée, bah, c'est de simplement faire la fête avec vous, de vous rencontrer, qu'on puisse réunir vraiment un maximum de gens de la communauté Fin du Game et qu'on puisse passer une bonne soirée tous ensemble. Voilà, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Voilà, ça va être trop. Enfin, moi, je suis excited. Je suis. Awesome. Non, mais ça va être très stylé, je pense. Bah, mon avis, oui, il y a moyen que ça soit très très cool. Alors, évidemment, il y a tout un tas de logistiques, etc. Et d'ailleurs, là, autant qu'on a votre attention, en fait, on va mettre également sur le Discord et dans le lien de la description de cet épisode un petit Google Form. Nous, ça va nous permettre, en fait, tout simplement, si vous êtes sûr à genre 99,9% de pouvoir venir un soir en mai, etc., a priori, sur Paris ce et serait tout, début mai. Voilà, ouais, priori, ce serait soit mai. Un vendredi, soit un samedi. Voilà, si vous êtes potentiellement sûr, voilà, vous dites le oui. Voilà. Comme ça, nous, on pourrait estimer le nombre de gens, parce que si vous dites si on se retrouve on est 30, bon bah voilà, on se fait une petite soirée entre nous, on fait une raclette. À mon avis, on risque d'être un peu plus nombreux, mais on voudrait estimer le combien, et parce que s'il y a 2000 personnes, bon bah on va louer l'Olympia, je veux dire, on va passer par là directement, hein. Non mais c'est ça, pour la logistique, comme tu disais, c'est important qu'on sache à peu près au moins le minimum de personnes qui vont venir pour pouvoir viser une salle suffisamment grande, a priori un bar, hein, ça, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Et pour revenir sur la définition de sûr, parce que parfois, tu sais, dans les questionnaires, t'hésites un peu, tu dis oui, mais je suis pas sûr à 100%. Tu dis aussi sûr que quelqu'un peut l'être pour dire, un week-end de début. Il y a un truc en mai, on fait ça, vous pourriez être là. Je précise aussi, c'est vrai qu'on a choisi Paris. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple pour tout le monde. Nous, on va devoir aussi se déplacer, hein, parce qu'on n'est pas. On habite toujours pas à Paris. Voilà, on habite toujours pas à Paris, mais c'est vrai que si on se dit on fait une soirée à Strasbourg, en fait, ça se ferme à beaucoup plus de personnes, en fait, que si on est à Paris, de dire voilà, Paris, c'est proche de. Après, en fonction du succès de ceci, de celle-là. Est-ce qu'on fera un truc à la maison, c'est pas impossible. Mais là, on verra. Pour le côté la centième, on voulait marquer pour le coup et tout le monde. La France étant ce qu'elle est, Paris c'est central, c'est comme ça. Voilà. Donc Paris intramuros. Hein, oui, la Tour Eiffel. On va louer la Tour Eiffel. Non, et du coup, bah, s'il y a des gens parmi ceux qui nous écoutent, vous possédez un hôtel, un machin, un restaurant, genre ça, vous pouvez nous le dire. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai, contactez-nous. Parce que de toute façon. Si vous avez une société de bus pour faire un tour, récupérer tous les fins du. Non, mais voilà, on va essayer de tenter de faire ça et bah ça va être chouette, en fait, ce serait vraiment cool. C'est vrai que moi je suis pas un méga fanat, tu vois, d'aller en festival et tout, parce que c'est toujours un peu ambigu, les gens, tu sais pas. Là on sait que ce sera tous les gens qui sont de Fin du Game, voilà, ce sera la family extended, et voilà, ça va être cool, j'espère, de rencontrer un maximum de monde. Ouais, quoi. Et puis c'est beaucoup l'occasion pour vous, en fait, de vous rencontrer entre vous, ouais, aussi, c'est parce ça que aussi, voilà, ouais. Oui, parce que bon, j'imagine, tu vois, j'espère qu'il y aura plein de gens du Discord qui vont pouvoir venir, parce que bon, vous passez tellement de temps ensemble au quotidien, vous pouvez échanger vos photos, vos machins, vos bidules, vos histoires de cœur, vos problèmes, bon bah ça peut être rigolo, tu vois, de voir le choc comme ça des gens, ça va être pas mal. Et plus personne se parlera après sur après, t'as détesté, genre, ouais. Donc voilà, c'était voilà, la petite surprise, le truc qu'on a envie de fêter avec vous, c'est 100 épisodes, parce que bah on est trop content, en fait, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce truc là, c'est vous qui nous écoutez, qui nous permettez de faire vivre cette émission, donc voilà, on qui dit est que pour la devenu santé. Quasiment notre tu vois notre activité principale, entre oui, guillemets, oui, clairement, hein, c'est notre aujourd'hui, moi, sans c'est Fin ça, du Game, c'est, ça devient plus complexe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la chaîne YouTube Fin du Game, ouais. Et le reste c'est du bonus, quoi, c'est ça. Et et voilà, et là dessus aussi on peut se dire que bah nous l'objectif, encore une fois, avec le Patreon, etc., c'est de pouvoir pérenniser l'émission. Je sais pas, quand on en discutait avec Max, il me disait, ouais, encore 5 ans, est-ce qu'on fait encore 5 ans, encore 5 saisons, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous au 200e épisode? Ah oui, sachant que je disais pas genre dans 5 ans ça se termine, mais le côté... Si un jour, parce qu'on sait jamais dans nos métiers, est-ce que ça va changer, se terminer, on peut pas se projeter à 20 ans, hein, forcément, ça peut bouger vite, mais il y avait un côté, je suis au moins serein pour les 5 prochaines années, ça devrait aller. De toute façon, voilà, en fait, nous, depuis le début, on avait quand même anticipé le nombre de jeux, le truc, le machin. Moi, ce que j'aime bien, c'est que plus on va se rapprocher des saisons 7, 8, 9, vous allez devoir jouer à des JRPG, vous allez pas, vous allez. C'est pour ça qu'il y aura des invités. Ouais, y a des invités. Saison 8, il y aura plus personne. Ah, oui, non, mais. Non, mais il y aura la branche. Moi, je vais lancer le podcast secondaire FDG JRPG, fin, tu vois. Fin du JRPG. Jusqu'au bout, ils vont me la faire. JFDG. Japanese FDG, voilà, mais non mais voilà, c'est vrai qu'on essaie quand même de viser loin. Il y a toujours des jeux qui sortent là, même des trucs qui sont sortis en 2022 qui vont déjà pouvoir garnir la saison prochaine. On sait qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver, donc voilà, avant qu'on ait terminé d'explorer vraiment tout ce qu'on veut explorer, encore même là avec les listes, vous voyez, on va faire peut-être du Mario Kart ou du Smash Bros. C'est des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé j'ai jamais joué à Smash Bros. Dans les fins du game. Ouais. Donc bah voilà, c'est des choses qu'on peut on sait faire maintenant, ce truc là, donc on peut aller plus loin. Et voilà, c'est grâce à vous. Donc, merci énormément de nous écouter. Je crois que cet épisode, il y aura encore l'épisode Borderlands là, qui sort juste après, sortira vendredi si vous écoutez cet épisode-là à la sortie. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà, rendez-vous sur le petit Google Form si vous voulez nous croiser en mai à Paris. Et le Discord, évidemment. Et bien sûr. Voilà, on attend pour les votes et tout, quoi. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Ciao.